Bonjour, je vais vous lire une nouvelle encore inédite à ce jour, mais qui devrait paraître en septembre 2020 aux éditions Rhubarbe, dans un recueil intitulé Écrits en marge. La nouvelle elle-même s'intitule Le renard. Elle a demandé à faire le tour du parc une dernière fois avant de partir. Non, non, répliqua-t-elle en brandissant sa canne dans les airs, ce n'était pas la peine de l'accompagner, elle marchait encore très bien. L'homme venu pour la chercher n'insista pas, il avait tout son temps. Enfin, n'en profitez pas pour vous perdre, ma sœur, lança-t-il d'un ton jovial. La vieille religieuse ne releva pas, peut-être n'avait-elle pas entendu, c'est vrai qu'on la disait un peu dure d'oreille depuis quelques années. L'homme la regarda s'éloigner avec un air amusé, puis, quand elle eut disparu au détour d'une allée, il alla s'asseoir sur le perron de l'imposante demeure et alluma une cigarette. À quelque distance, la grosse auto noire qu'il avait garée à l'ombre du tilleul séculaire lui apparut toute petite. Un jouet, pensa-t-il en expirant deux jets de fumée par les narines. C'est vrai que Sœur Blanche marchait encore bien, malgré l'âge et l'arthrose qui avaient fini par la casser à mi-corps, l'obligeant de ce fait à épingler sa croix de bois sur sa robe pour éviter que celle-ci ne lui pende comme une cloche au cou d'une chèvre. La comparaison avait tant fait rire Sœur Andrée. Sa compagne depuis le noviciat, 65 ans d'une même foi partagée. Plusieurs missions ensemble, au Mali et en Indochine, et puis le retour ici, à la communauté, pour y achever de vieillir. Sauf qu'elle, jusqu'à son dernier jour, se tenait droite comme un peuplier. Non, Sœur Blanche n'aurait pu quitter la croix Saint-Jacques sans se recueillir une dernière fois sur sa tombe, même si, elle le savait bien, la vie ne s'arrêtait pas là. Sous le couvert de grands arbres, 20 sépultures étaient alignées sur deux rangées le long du mur d'enceinte. Rien d'ostentatoire. Un simple entourage de ciment, une croix portant les noms et dates peints ou gravés à même le bois. Sur les monticules de terre, fleurs sauvages et herbes folles poussaient à leur guise. Ici, Dieu était seul maître jardinier. Sœur Blanche passa les tombes en revue. Elle avait connu toutes les sœurs qui y reposaient, même la petite vietnamienne morte ici à 20 ans et dont personne ne s'était jamais inquiété, à croire qu'elle n'avait plus aucune famille nulle part au monde. Toutes gardaient visage dans sa mémoire, certaines encore une voix ou un signe distinctif. Ainsi, les traits de Madone de sœur Lucie, l'accent chantant de sœur Imelda, les manières et la force masculine de sœur Marthe. Jusque-là, leur présence en ce lieu était acquise, sinon pour l'éternité, du moins pour un temps sans limite. Désormais, leur avenir semblait à sœur Blanche encore plus incertain que le sien. Combien de mois s'écouleraient avant que les engins de chantier ne franchissent la grille de la propriété? Qu'adviendrait-il alors? Des lotissements? Une zone commerciale? Elle frappa du bout de sa canne l'entourage de la sépulture de sœur Andrée, comme pour mettre un terme à ces questions qu'elle voulait vaines, comme pour signifier à sa compagne qu'elle la retrouverait, où qu'elle soit, qu'il en faudrait plus pour les séparer. Au même instant, une pie perchée à l'aplomb émit un long jacassement. Oh, toi, l'oiseau! Fit-elle sans parvenir à lever les yeux pour l'apercevoir, tu peux te moquer, rira bien qui rira le dernier. Sur quoi, la pétarade d'une moto filant derrière le mur fit déguerpir la pie et poussa Sœur Blanche à reprendre son tour du parc. Dure d'oreille, je veux bien, se dit-elle, mais pour ce qu'il y a à entendre. Le sentier sinuait sous la frondaison de hêtres et de chênes majestueux. Ici et là, dans les fougères et les ronces, quelques troncs couchés par la grande tempête de 1999 firent entrevoir à Sœur Blanche ce qui risquait d'advenir à tous les arbres du parc. Et ni Dieu ni Dame Nature n'en serait la cause cette fois. À ses yeux, il y avait là bien pire destin que pour ses consœurs défuntes. Un sacrilège, aurait-elle dit. Et si le choix lui était donné, elle préférerait mille fois qu'on exhume quelques ossements plutôt qu'on abatte un seul de ces arbres. Le gazouillis ambiant lui donnait raison. Seulement, elle n'avait en la matière aucun pouvoir et en ce futur-là, aucune foi. De plus, si elle avait jadis pris parti et armes, les siennes, pour des causes qui lui semblaient justes, elle était désormais trop vieille et trop infirme, tout juste bonne à faire bouillir la marmite du Seigneur, se plaisait-elle à dire. Et voilà encore une expression qui déclenchait le rire de Sœur André. Arrivée là, où le sentier filait droit jusqu'à la grotte qui abritait une statue de la Vierge, Sœur Blanche s'arrêta pour souffler. Les ajours du feuillage laissaient voir un ciel bleu immaculé. Un peu plus loin, par une trouée dans la frondaison, une lumière vive tombait à pic et faisait une tache lumineuse sur le chemin. L'air embaumait le parfum des fleurs et il montait de la terre une senteur d'humus frais. La vie, murmura Sœur Blanche, la vie. Puis elle se signa et remercia Dieu pour ce cadeau. Son dernier tour du parc était un ravissement. Elle allait reprendre sa marche quand un renard apparut sur le sentier à moins d'une vingtaine de mètres. C'était un jeune animal à la fourrure épaisse et luisante. Sœur Blanche se retint de bouger. Le renard lança un regard furtif dans sa direction, puis s'éloigna de quelques pas et s'arrêta de nouveau. Il se trouvait maintenant au beau milieu de la flaque de lumière. Son poil étincelait comme s'il retenait des milliers de gouttelettes d'eau. Hormis sa longue queue touffue qui oscillait souplement, rien en lui ne bougeait. Enfin, après un temps dont Sœur Blanche n'aurait pu dire la durée, le renard eut ce geste caractéristique de regarder derrière lui, par-dessus son épaule, comme si tout à coup il se savait observé. Ses yeux rencontrèrent alors ceux de la femme. « Si je m'attendais à te revoir un jour, » soupira celle-ci. L'instant d'après, l'animal avait disparu. Sœur Blanche eut toutes les peines à se ressaisir. Non seulement son corps criait sa fatigue et son usure, mais son esprit, tout à l'heure si vif et si clair, lui paraissait désormais embrouillé, confus. Au point qu'elle douta un moment de sa présence à la Croix Saint-Jacques, n'était-elle pas plutôt revenue là-bas, sur les berges du Mékong, ou dans les quartiers périphériques de Bamako? C'était un lointain son de cloche qui lui fit reprendre pied avec la réalité. « C'est l'heure, » se dit-elle en reprenant sa marche. Puis alors qu'elle se trouvait à son tour en pleine lumière, elle s'arrêta soudain et se demanda « L'heure de quoi ? L'heure de quoi, puisqu'il n'y aurait plus jamais ici ni repas ni office ?» De fait, elle n'entendait plus rien maintenant. « Allez, en route, » se dit-elle, « mon chauffeur va s'impatienter. » Pour claire qu'elle parut, l'injonction ne fut toutefois pas obéie dans l'immédiat. Au prix de contorsions douloureuses, Sœur Blanche leva les yeux vers le ciel azur et s'entretint à nouveau avec le Seigneur. « Après l'instant de grâce, » lui demanda-t-elle, « serait-ce le coup de grâce ?» Nul reproche, nulle amertume dans sa voix, juste la familiarité qu'autorise une longue vie commune. Là encore, c'est le jacassement d'une pie qui semble à lui répondre. Censée rappeler celle de Lourdes, la petite grotte avait été édifiée contre le mur d'enceinte à l'aide de blocs de pierre et de ciment. Ces dernières années, les religieuses n'y priaient plus aussi souvent la Vierge installée dans sa niche, tant la circulation sur la nationale juste derrière était devenue assourdissante. En outre, il était désormais impossible de contempler la sainte sans avoir dans son champ de vision le toit rouge et l'enseigne tapageuse d'un de ses restaurants, comme il en pousse dans tous les abords de ville. Aujourd'hui pourtant, mais il est vrai que c'était son dernier tour, Sœur Blanche fit une halte à la grotte. Le regard que lui avait lancé le renard l'avait troublée en profondeur. Elle ressentit le besoin d'y réfléchir, d'aller chercher au fond d'elle-même ce qui demandait à sortir. Demain, dans une heure, il serait trop tard. Sœur Blanche entra donc dans la grotte et s'assit sur une saillie de la roche qui faisait office de banc. Il y faisait frais. Le vacarme de la nationale lui parvenait assourdi. Elle ferma les yeux. Le souvenir remontait à si longtemps. C'était un peu comme une image dont les couleurs avaient passé, dont certains détails avaient été gommés par le temps, laissant à la place des zones de flou, plus ou moins denses, plus ou moins étendues. On y distinguait toutefois une silhouette avec un grand bâton à la main, un pèlerin. La communauté se trouvait sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et il n'était pas rare que des pèlerins y fassent étape. Les religieuses les hébergeaient dans l'un des bâtiments annexes et leur fournissaient le couvert. Celui-ci était assez jeune et avait dû prolonger sa halte pour une raison quelconque. Autant pour payer sa pension que pour se rendre utile, il s'était proposé pour aider au potager. Le jardinier de la communauté avait laissé un bras et une partie de sa tête à Verdun. Le travail n'avançait pas. Aussi, en fin d'après-midi, deux jeunes sœurs venaient prêter main-forte pour l'arrosage et la cueillette. L'une exprimait sa joie de vivre par de grands éclats de rire. L'autre, plus discrète, concentrait dans ses yeux la force et la foi qui l'animaient. C'était celle-ci que le jeune pèlerin admirait en silence, lui qui doutait de tout, à commencer de lui-même. Si elle avait pu, par le seul pouvoir de son regard, en retour, il aurait su l'aimer durablement. Mais elle lui paraissait tellement inaccessible. Et puis, se disait-il, avec Dieu pour rival, il n'avait pas sa chance. Il la tenta pourtant, la veille de son départ. Profitant d'un moment de tête-à-tête, il lui dit en des termes maladroits qu'il aurait aimé rencontrer une femme comme elle, qu'il aurait voulu marcher jusqu'à Compostelle et bien au-delà avec une femme comme elle à ses côtés. La jeune religieuse avait souri. « Vous la trouverez, » lui avait-elle répondu. « J'en suis certaine. » Le lendemain matin, alors qu'il se dirigeait vers le portail, son baluchon sur l'épaule, son bâton à la main, il avait eu conscience d'une présence derrière lui, s'était arrêté, avait tourné la tête. Elle était là, debout dans l'allée, à moins d'une vingtaine de mètres, et le regardait. Il aurait pu agir, rebrousser chemin, à tout le moins lui parler. Il n'avait rien fait, elle non plus. Était-ce le jacassement d'une pie, le tintement d'une cloche qui les avait remis en mouvement? Lui avait repris sa marche, franchi le portail, disparu à jamais. Elle s'était enfoncée dans le parc, coupant à travers le sous-bois pour n'y faire aucune rencontre, avait trouvé refuge dans la petite grotte, s'était assise sur la roche en saillie qui faisait office de banc, avait pleuré. Quelques semaines plus tard, elle prononçait ses vœux. Moins d'un an après, elle découvrait la misère sur les berges du Mékong, puis la guerre l'avait enrôlée de force dans la grande histoire et elle avait bien failli ne jamais en revenir. À l'évocation de ces souvenirs de feu et de sang, Sœur Blanche ouvrit les yeux. Le jeune pèlerin avait-il eu cette même chance? La réponse était sans doute dans le regard que lui avait lancé le renard, mais elle ne l'avait pas comprise. Enfin, se dit-elle en se levant avec peine, l'avait-il trouvée, la femme avec qui marcher jusqu'à Compostelle et au-delà? Et elle se prit un instant à songer qu'elle aurait pu être cette femme, et cela la fit sourire. Renard et chèvre, pensa-t-elle avec malice, voilà qui aurait bien fait rire Sœur André. Mais au lieu de sa compagne, c'est de nouveau le tintement lointain d'une cloche qu'elle entendit. Bien que persuadée d'être sujette à illusion, car pour qui et pourquoi sonnerait-on désormais? Elle reprit sa marche, le corps cassé et les membres douloureux. Quand elle arriva en vue de la grande demeure, non seulement la cloche tintait toujours, mais il lui semblait l'entendre plus distinctement. Elle commençait à douter de sa raison quand elle aperçut la silhouette sombre de l'homme s'affairant sous l'auvent de la chapelle. « Ah, vous voilà, ma sœur !» s'exclama-t-il en la voyant. « J'ai bien cru que vous étiez perdue !» Elle faillit lui répondre qu'elle l'était, effectivement, dans ses souvenirs et ses pensées. Mais à quoi bon? Il était temps de partir. Avant de prendre place à l'arrière de l'auto-noir, elle demanda encore à gravir les marches du perron pour saluer la petite statue de Saint-Jacques qui flanquait la porte d'entrée. « Adieu !» murmura-t-elle simplement en lui embrassant les pieds. Le contact froid du granit la surprit presque.